Univers. Europe 2. Rendre moins ringarde la communication autour de la prévention routière, c'est l'objectif de l'opération La Belle Vie, lancée par les préfectures. Elle s'adresse aux jeunes de moins de 25 ans qui ont une idée, n'importe laquelle, pour inciter les conducteurs à avoir une meilleure conduite. Les lauréats recevront alors une bourse allant jusqu'à 5000 francs. Ce sera le cas de Mathieu et Maxime, deux jeunes de Forbach. Appelez-les Skifano et Dr Jekyll, c'est leur nom de scène. Ces deux lycéens ont leur groupe Comité Mité et ils ont fait une spéciale dédicace pour La Belle Vie. Bah, on raconte la vie de tous les jours, comment on est tous les jours au quotidien. Comme on assure, comme on est trop fort, des trucs comme ça, tu vois. Dans le genre, on peut boire des litres d'alcool, on peut aller vite, mais on ça nous fait rien. Voilà. Et bon, dans la chanson, pour faire genre prévention routière, et ben on fait un crash à la fin, tu vois, pour que les jeunes y comprennent notre message. Parce que faut que ce soit radical, le reste c'est... Les messages habituels, c'est ringard, tu comprends. Tu vois, comment j'écoute nos chansons, je vois trois choses. Je vois atout, variété et richesse. Mais oui, y a pas de méthode, moi je reste pas des heures en studio, j'attends le génie créatif et je prends un instantané et je le plaque dans la musique, tu vois. Et on a été sympa, La Belle Vie ils nous ont demandé de faire une chanson pour eux, on était déjà assez connus, on avait déjà fait plusieurs concerts dans la région, on avait vendu des CD. Voilà, on a fait la spéciale dédicace, comme ça, c'est pour ça. On est des bons gars. La Belle Vie, c'est le nom du projet, par contre on peut pas en dire autant du côté des conditions de production, n'est-ce pas les garçons? Mais si, ça a toujours été La Belle Vie. Bah oui, La Belle Vie pour nous. Enfin, si, qu'est-ce que tu me jettes toi là, qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas trop difficile dans une chanson, on a l'habitude. Un après-midi c'est bâclé, mais top vite fait, tu vois le talent quoi. On attend, d'un coup ça vient. Prends comme ça vient, c'est... Ouais, y a pas d'inspiration. C'est apprendre à laisser. Voilà, moi je prends le son de la rue, la techno, machin. J'en fais le son comité-mité, tu comprends ça? C'est apprendre ou à garder. Voilà, à garder, exact. Bon, ciao, on se barre, hein. Bon, ben merci RTL2 pour cette interview. Europe 2 pour cette interview. Ouais, vas-y Maxime, on te dégage, là, ça fait chier. Ouais, non, mais écoute. Notre rendez-vous, là, chez McDo. Ah ouais. Leur CD devrait être édité à 2000 exemplaires. Si vous aussi, vous avez une idée pour cette opération, vous pouvez encore écrire aux préfectures. Bel après-midi sur Europe 2, vous êtes toujours avec Comité Mité.